Les milieux sud-coréens et les compatriotes coréens d'outre-mer exaltent la grandeur des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. La presse sud-coréenne comme Yonhap News et Une Nation, les formations des compatriotes coréens d'outre-mer comme l'Association nationale des Coréens aux États-Unis et la direction européenne de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, ainsi que des compatriotes coréens d'outre-mer qui avaient visité notre République, ont affirmé. Le Nord s'est opposé seul pendant plus de 70 ans aux États-Unis, qui se disent unique superpuissance dans le monde. Il doit cette tradition victorieuse à la direction énergique du président Kim Jong-un, qui continue brillamment les idées du jeté et la politique de Sun-gun créées par le président Kim Il-sung et le président du Comité de la Défense Nationale Kim Jong-il. Un commentateur des affaires militaires et diplomatiques a dit que la force du Nord conduite par le président Kim Jong-un l'emporte sur la stratégie extérieure des États-Unis. Un éditorialiste du journal d'internet des compatriotes coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin, a noté : le président américain Trump a dit que la Corée les mène à la baguette et les États-Unis ne comprennent pas l'époque Kim Jong-un qui conduit la justice du 21e siècle. Les habitants sud-coréens et les compatriotes coréens d'outre-mer ont dit que le leadership du président Kim Jong-un est vraiment incomparable et que grâce à sa promotion à la magistrature de la nation, une puissance prospère et réunifiée apparaîtra sous peu.